numéro 32. Les pâtes. Même. Pasta. Les nouilles japonaises. Udon. Les nouilles chinoises. Ramen. Le haricot vert. Ingen. Saya ingen. L'huile. Abura. Le vinaigre. O su. La moutarde. Karashi. La moutarde de Raifort. Wasabi. Le poivre. Koshou. La sauce soja. Shoyu. Le sel. Shio. Le sucre. Sato. Le fromage. Cheese.